إذا فيه صوت إن شاء الله تعالى نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، ما زلنا مع جامع صحيح للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وإن شاء الله تعالى نشرع في جديد اليوم، فنبدأ بحديث. وقبل هذا nous sommes toujours avec le après salam alaykoum nous sommes toujours après dans le livre Sahih al-Jami' Cheikh al-Albani alayhi rahmatullah. On va commencer inchallah aujourd'hui un nouveau hadith. Toujours on commence par une révision. Le dernier hadith dont on avait parlé, akhir hadith taklamna anhu, huwa qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. اجتنبوا سبعة المبيقات الشرك بالله. Donc le dernier hadith dont on avait parlé, c'était le prophète عليه الصلاة والسلام avait dit il faut vous éloigner des sept par exemple les sept grands péchés ou bien les sept choses qui nous font tomber dans les grands péchés. اولا الشرك بالله l'association الشرك بالله والسحر la sorcellerie. ثالثا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. troisièmement tuer quelqu'un sans que on ait يعني l'autorisation de le tuer, parce qu'on avait dit qu'il y avait des gens qu'on pouvait tuer, bien sûr c'est pas nous qui tuons, mais il y a des gens qu'on doit tuer, que le gouverneur doit tuer. رابعا أكل الربا. أكل الربا قلنا هذا يعني c'est mettre l'argent par exemple يعني prêter de l'argent ensuite gagner des bénéfices comme يعني, la plupart des banques tu laisses ton argent là-bas ensuite on te donne des intérêts. Avec le mal yatim manger l'argent ou bien tout ce que possède un orphelin. Des fois l'orphelin il n'hérite pas de l'argent, il hérite par exemple une voiture, un tracteur. Nous qu'est-ce qu'on fait? On utilise ça et on le vend, etc. Avec le mal yatim ou tawli yom zahf. Tawli yom zahf yani les gens c'est quand il y a par exemple la guerre sainte, les gens ou bien on va fuir quand on fuit le jour où il y a la guerre sainte. Tout maqal wa akl wa qadf al muhsanat wa qadf al muhsanat al mu'minat al ghafilat. Enfin sabi'an yani faire des calomnies en ce qui concerne les femmes, même les hommes يعني qui ne font pas le péché هذا, le péché sexuel, puis on dit celui-là a fait, celle-là a fait. Ça c'était le dernier hadith. En ce qui concerne hadith al-yom inshallah ta'ala, wa qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam قال اجعل بين آذانك وإقامتك نفسا حتى يقضي المتوضئ حاجته في مهل ويفرغ الآكل من طعامه في مهل. اجعل بين آذانك وبين إقامتك نفسا حتى يقضي المتوضئ حاجته في مهل ويفرغ الآكل من طعامه في مهل. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit il faut que tu fasses, il parle avec celui qui fait l'appel à la prière, il lui dit il faut que tu fasses entre l'appel à la prière et le deuxième appel, ça s'appelle Iqama, quand il dit Allahu Akbar qad qamat as-salat, pour faire la prière. Il faut que tu laisses un peu de temps vide. Pourquoi? Afin que celui qui fait ses ablutions, afin qu'il finisse ses ablutions, et afin que celui qui, par exemple, qui est en train de manger, afin qu'il puisse terminer son manger. لماذا لأن إذا لم يكن هناك يعني وقت بين الأذان والإقامة فإن الإنسان ربما لا يدرك الصلاة ربما لا يدرك يعني حتى تكبير الإحرام وإذا كان مثلا في حالة وضوء يبدأ يسرع وهكذا حتى يقصر جدا في وضوئه وإذا كان في حالة أكل ربما يبدأ يأكل بسرعة حتى يعني أولا يتضرر وثانيا لا يشبع لهذا قال نترك له وقتا بين الأذان والإقامة حتى يأتي إلى الصلاة وهو mutma'in al-bal. Donc le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam nous a dit que quand on fait l'appel à la prière, on doit laisser entre l'appel à la prière et la iqama, on doit laisser un certain temps, par exemple 5 minutes, 10 minutes. Et comme pourquoi? Afin que celui qui fasse les ablutions, il ait le temps de les faire, afin que celui par exemple qui est en train de manger, il a le temps qu'il termine son manger. Sinon, il commence à faire vite, il risque de se faire mal et puis il va pas il ne va pas être rassasié parce qu'il a mangé très très vite. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبا تراب قاله لعلي اجلس يا أبا تراب قاله لعلي رضي الله تعالى عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Ali ibn Abi Talib رضي الله تعالى عنه: Assieds-toi. Pourquoi? Parce que il s'était endormi sur le parterre, sur la terre. Il y avait de la terre. Il lui a dit: Lève-toi, Aba Turab. Tu es plein de Turab, la terre, poussière, plein de poussière. Lève-toi. لأن علي رضي الله تعالى عنه خرج مغاضبا من البيت بعد مشكلة وقعت بينه وبين زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها فيعني خرج مغاضبا وذهب فنام في المسجد وهذا كان في النهار بعد الظهر نام في المسجد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما ووجهه كله مغفر بالتراب فقال له صلى الله عليه وسلم قم اجلس يا أبا تراب اجلس. دونك علي رضي الله تعالى عنه avait eu quelques problèmes avec sa femme Fatima radiallahu ta'ala anha. Il s'est énervé, il s'est mis en colère, il a laissé la maison, il est parti à la mosquée pour dormir. Et la mosquée autrefois, il n'y avait pas de moquettes, etc. C'était par terre, la poussière, etc. Torab. Donc, il a dormi par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il lui a dit quand il l'a vu: lève-toi, ya Aba Torab. Il lui a donné un pseudo. Tu es tellement plein de poussière qu'il lui a dit Abu Turab, Abu poussière. Et dans le hadith d'Ali, le zouj قد يغضب مع زوجته وقد تقع بعض المشاكل لكن وهذا شيء عادي وطبيعي جدا لكن الإنسان لابد أن لا يبالغ وأن لا يعظم الأمور حتى ماذا حتى لأدنى شيء يذهب يبحث عن الطلاق وغير ذلك حتى علي رضي الله تعالى عنه كان يقع له هذا من فاطمة رضي الله تعالى عنه وما أدراكم من هو علي ومن هي فاطمة رضي الله تعالى عنهما ومع هذا فكان يغضب رضي الله تعالى عنه حتى يترك البيت ويذهب إلى المسجد يستعفي هناك. Donc les problèmes qui se passent entre l'homme et la femme, c'est l'époux et l'épouse, c'est quelque chose de très très normal et très naturel. Voilà un exemple: Ali radiallahu ta'ala anhu avec qui? Avec sa femme Fatima radiallahu ta'ala anha, les compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son gendre et son cousin. Et malgré cela, ils ont des problèmes de temps en temps et ils s'énervent, ils sortent, il va rester un peu à la mosquée, il va s'étendre un peu, ensuite il il revient à la maison. Donc j'ai dit, il ne faut pas aggraver les choses. Peut-être à cause d'une petite chose, on va aller au juge, on va aller au divorce. À cause d'une chose que, alors que tous les couples ont, je viens de dire, tous les couples doivent il faut qu'il y ait certains problèmes, même si c'est pour des choses banales et c'est pour des choses futiles. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 167 قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 167, hadith 167, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs, ou bien la meilleure, yani le meilleur endroit, yani par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleurs endroits qu'il aime, c'est les mosquées. Les mosquées. Wa abrad al-bilad est les meilleurs, pardon, yani le contraire, t'as les meilleurs. Yani ce qu'il n'aime pas, yani, c'est quoi? C'est les souk, yani les marchés. On dit un souk. Yani c'est les marchés. Allah Azza wa Jal aime beaucoup les mosquées et déteste, yani les choses les plus détestées chez lui, subhanahu wa ta'ala, c'est l'aswaq. أما المساجد فظاهر لأن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد فهو يعني في الطريق مأجور وإذا بقي هناك هو مأجور ويستفيد ويتعلم ويسمع القرآن ويصلي ويتدارس مع إخواني وهكذا. أما السوق فظاهر أيضا لأنه إذا ذهب إلى السوق فيه ارتفاع الأصوات وفيه الغش وفيه الكذب وفيه التدليس وفيه السب وفيه كذا. لهذا الإنسان المسلم لا يذهب إلى السوق إلا لماذا؟ إلا لشيء لحاجة، وإلا الأفضل أن يجتنب هذه الأسواق لأن الله عز وجل لا يحبها. Donc en ce qui concerne les mosquées et que Allah عز وجل aime les mosquées, ça n'a pas beaucoup besoin d'explication. Parce que la mosquée, quand on parle à la mosquée, vous connaissez les bienfaits qu'on a avec le pied droit, ensuite le pied gauche. Le pied droit il marque un bienfait, le pied gauche il annule un malfait. Ensuite on rentre à la mosquée. Ensuite il y a la salat, il y a ce que Allah Azzawajal aime, il y a le tasbih, le dhikr, il y a lire le Coran, il y a écouter un dars, il y a rencontrer ses frères, etc. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala aime les mosquées. Puis ce sont yani bayt buyut Allah, ce sont ses maisons. En ce qui concerne le souk, les marchés, je sais pas si ça s'appelle un marché, il y a le souk là, ce qui concerne les marchés, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le souk, qu'est-ce qu'il y a dans le marché? Il y a les mensonges, il y a la tricherie, il y a les insultes, on vole, il y a les vols, tout ce que vous pouvez imaginer, vous les trouvez dans les marchés, dans les souks. C'est pour ça que de préférence que le musulman n'aille pas au marché que s'il a quelque chose à faire. Je vais au marché si je vais acheter quelque chose. Je vais au marché si je vais yani, j'ai besoin de quelque chose pour l'acheter, pour la cuisiner, etc. Mais certains gens vont au marché quand ils n'ont rien à faire. Ils commencent à tourner. Moi, si je vais là-bas tourner, c'est que j'ai quelque chose dans la tête. Je dis, je vais voir par exemple qu'est-ce qu'il y a au marché, peut-être je vais acheter. Avec cette intention, on y va. Mais pas, je veux dire, pour partir parce que je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas encore appris le Coran. Je ne connais rien de la Sunna. Je ne connais rien de usul fiqh. Je ne connais rien des hadiths. Je ne connais rien. J'ai beaucoup de choses à faire qui m'attendent, je les ai pas faites. Donc, préférence, on va au marché quand on a quelque chose. Je vais acheter ou bien je vais voir ce qu'il y a de nouveau pour l'acheter plus tard. Mais pour perdre mon temps du matin au soir au marché, ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela. وفيه حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. أخي طالب علم فيه صوت ممكن أنا أتكلم هكذا وحدي؟ فيه صوت ولا ما فيه صوت؟ فيه صوت ولا ما فيه صوت؟ أخي طالب علم فيه صوت ولا ما فيه صوت؟ j'ai peur de parler seul. En ce qui concerne, جزاك الله خيرا. فيما يخص النقاط الحمراء اعتذر، فيما يخص النقاط الحمراء اعتذر، انما اعطيها حتى يكون الدرس على اكمل وجه، حتى يكون الانسان يكون كونسونطري ويكون جو ميكسكوز بور لي بوين روج سي با باسكو جو دو فو دوني بوين روج مي باسكو بور كو لو درس هذا pour que je sois concentré, sinon n'importe qui va écrire ce qui lui passe par la tête. À chaque fois il faut que je m'arrête pour lire ce qui s'est écrit, et des fois des choses qui n'ont rien à voir avec le dars, C'est pour ça que je m'excuse si je vous donne le point rouge. Et en plus de ça, il y a des gens qui disent des choses obscènes et disent des choses yani, que personne ne voudrait voir ici. C'est pour ça, de préférence, vous m'excusez, inshallah ta'ala, si je vous, pour les points rouges. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, les meilleures actions que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Premièrement, salatu fi waqtiha. Awalan, et premièrement, faire la prière en son temps. Deuxièmement, birrul walidain. Deuxièmement, obéir aux parents. Thalithan, al jihad fi sabilillah. Troisièmement, la guerre sainte. Ce sont les trois choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup. Parlons maintenant un peu avec les détails en arabe, ensuite en français, inshallah ta'ala, ou bien yani simultanément. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها لأن المسلم لابد أن يفهم أن الله عز وجل لم يفرض عليه الصلاة فقط إنما فرض عليه أن يصلي في الوقت هذا لابد أن يفهمه المسلمون الله عز وجل لم يأمرك بأن تصلي فقط لا أبدا أمرك أن تصلي في الوقت الله عز وجل ne nous a pas ordonné seulement de faire la prière mais il nous a ordonné de faire la prière en son temps. Voilà ce que beaucoup de musulmans ne veulent pas comprendre. Allah Azza wa Jalla ne t'a pas dit fais la prière. Salli, il a dit aqim salat. Yani, fais-la avec ses conditions. Et l'une des grandes conditions, c'est que la salat soit en son temps. Pas après, pas avant. On a un dit soual. Hal yastati' mathalan ahadun minna. Mathalan nahnu al-hin. Mathalan al-an fil Kuwait ra'i mathalan 11 laylan. هل أستطيع أنا الآن أن أصلي صلاة الصبح؟ لا أستطيع أبدا صلاة بعد وقت قلت فيها ماذا؟ لها وقت تبدأ فيه ولها وقت. Donc en ce qui concerne la salat, j'ai dit par exemple ici maintenant chez moi il est par exemple 23h, 23h 5 minutes. Bien sûr, 23h ça veut dire la nuit. Est-ce que je peux maintenant par exemple me lever et je vais faire la prière du sobh? Je vais faire la prière du sobh maintenant, la prière du matin, je peux la faire maintenant? Fajr, impossible. Pourquoi? Parce que son temps, le temps de la prière du sobh n'est pas encore arrivé. Donc comme je ne peux pas faire une prière avant que son temps n'arrive, je ne peux pas faire une prière si son temps est terminé. Ça on doit le comprendre. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل صلاة ذكر أن لها أولا وآخرا كل صلاة لها وقت تبدأ فيه ووقت تنتهي منه وأمرك الله عز وجل واختبرك وطلب منك وابتلك بأن تصلي ما بين هذا وهذا عندما يؤذن إلى أن ينتهي ليس قبل وليس بعد وأنت تريد أن تصلي ما تتشاء فهذا ليس مقبولا. Donc le prophète alayhi salallahu alayhi salam a montré dans un hadith sahih que chaque salat a un début et a une fin. Que Allah Azza wa Jal a voulu de nous pour nous éprouver si on l'aime ou si on ne l'aime pas, si on tient à cette salat, si on lui donne l'importance à cette salat ou on ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, le prophète alayhi salallahu alayhi salam, chaque salat a un début et une fin et vous devez faire la salat entre le début, après le début et avant sa fin. Donc personne ne peut faire la prière comme il veut lui. Je peux pas faire avant et je peux pas faire après. Je dois faire la prière entre les deux temps. Quand il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est le dhuhr. S'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, l'asr, ça veut dire ma prière du dhuhr est terminée. Si je suis resté à la télévision, resté en train de m'amuser sans la faire, ça veut dire que j'ai fait un grand péché. Pourquoi? Parce qu'il a dit Allahu Akbar auparavant, maintenant il a dit Allahu Akbar pour dire que le dhuhr est terminé et que nous sommes salat al-asr. Il n'y a plus de dhuhr maintenant. Walihada qal Ibn Hazm alayhi rahmatullah wa kathir min ulama, yani kathir min muhaqqiqin, qalu man taraka as-salat. Adhun hatta an hada yani qawl Sheikh Ibn Uthaymeen yaqul man taraka as-salata tarakaha 'amdan hatta kharaja waqtuha fala yusalliha li'anna in sallaha lam tasih minhu. لماذا؟ لأنه يصليها في غير وقتها إنما يطلب منه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا وأن يندم وأن يستغفر الله عز وجل على الذنب العظيم لكن يصليها في غير وقتها أبدا. لماذا؟ لأن الله تعالى طلب منك أن تصلي وطلب منك أن تصلي في الوقت ليس أن تصلي متى تشاء أنت. C'est pour ça que l'imam Ibn Hazm عليه رحمة الله, et je crois que même certains ulama, je crois si je n'ai pas oublié Ibn Uthaymin aussi, a dit que si quelqu'un par exemple il entend par exemple la prière de il entend l'appel de la prière par exemple de Asr, ensuite il reste en train de jouer, en train de voir la télé, en train de s'amuser, en train de discuter jusqu'à ce qu'il entende l'appel de la prière du Maghreb. Alors il a entendu premièrement l'Asr, il n'a pas fait l'Asr, il est resté, il a entendu maintenant le Maghreb et il n'a pas fait l'Asr. Qu'est-ce qu'il fait? Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Hazm et d'autres ont dit c'est pas la peine qu'il fasse maintenant la salat al-Asr. Pourquoi? Parce que la salat al-Asr n'a pas été faite en son temps. Son temps s'est écoulé et toi tu l'as laissé partir comme ça sans yani, tu n'avais pas de raison. Donc qu'est-ce qui te reste? Il te reste seulement de faire le repentir et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner parce que tu as fait un grand péché et de décider de ne plus revenir à ce péché qui est grand et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Voilà ce qu'on doit comprendre, c'est que salat on l'a fait en son temps ou bien on ne l'a fait pas, sauf bien sûr quand on a quoi? Quand on a des raisons. Et parmi les raisons, quand on oublie, quand on dort, quand on devient fou, quand on n'a pas le cerveau avec soi, voilà les raisons. C'est pas les raisons rester en train de discuter ou bien jouer un match ensuite dire le temps est sorti. إذن هذا فيما يخص الصلاة. الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. Vous avez remarqué les meilleures actions chez Allah سبحانه وتعالى, il n'a pas dit الصلاة, il a dit la صلاة في وقتها, en son temps, pas après, pas avant, en son temps. هل مثال ثاني, يستطيع أحد أن يصوم الآن رمضان؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن رمضان لم يدخل بعد, وكذلك لا يصومه بعده إذا انتهى رمضان, إنما عنده شهر يصوم فيه. نفس الشيء الصلاة. Quelqu'un peut-il faire jeûner maintenant le mois de Karam, le mois de Ramadan? Il dit bon, le mois prochain, juillet هذا ou la juin, je vais le faire à la place du Karam et je ne vais pas faire le Ramadan qu'il va venir. Il ne peut pas. Pourquoi? C'est un mois que tu dois faire, il a été choisi, c'est un mois, il s'appelle le Ramadan, il sera tellement. La même chose pour la salat. Chaque salat a un moment, un temps précis, une heure ou deux heures ou deux heures et demie précise, ou bien 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes pour le Maghreb. Si tu fais pas sans raison, ne fais pas, repends-toi et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. Mais rester comme ça en train de s'amuser, être yani, sans avoir de raison, ensuite dire comme certains disent il voit un film, ensuite il se fatigue, il n'a pas encore fait la Isha. Oh, je suis fatigué, demain inchallah quand je me réveille je vais faire la salat la Isha, inchallah quand je vais me réveiller le matin je commence par la Isha ensuite salat subh. C'est un pauvre, celui qui dit ça c'est un pauvre. Wallah, il ne sait pas le grand péché qu'il a fait. Il croit qu'on est libre, on fait la prière quand on veut. Al-Muhim, thumma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, deuxièmement, birru al-walidain, yani obéir à ses parents. Birru al-walidain la yakhfa alaykum annahu min a'zam al-qurubat 'inda Allah subhanahu wa ta'ala illa an yakuna fi ma'siyah fa in jahadaka an tushrika bi yani idha jahadaka fala tuti'huma. Si donc nous on doit obéir à nos parents à condition que ça soit pas dans un péché. Mon père, s'il me dit par exemple va m'acheter quelque chose et cette chose est loin, je dois faire 20 ou 30 kilomètres, il faut que j'aille 20 ou 30 kilomètres à pied, il faut que j'aille pour lui acheter ça. Il m'a dit il faut que j'aille, j'essaie de le convaincre, c'est loin, je peux pas. S'il me dit tu vas, khalas, je dois partir. Mais s'il me dit tu vas m'acheter un paquet de cigarettes ou bien tu vas m'acheter de la bière ou bien tu vas m'acheter du vin, ça je ne dois jamais l'aider, je ne dois jamais lui obéir. Mais lui désobéir, le prophète alayhi salatu wasalam a dit la ta'ali li makhluq fi ma'siyat al-khaliq. On ne peut pas obéir à quelqu'un dans l'obéissance yani à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. In qata' as-sawt. Tayeb, ou l'hin ma fi sawt, mazal munqati' as-sawt. الآن راجع طيب لأنه في صوت الحين ولا ما في صوت؟ في صوت ولا ما في صوت؟ في صوت ولا ما؟ طيب لأنه إذا في تقاطع في الصوت طيب نعم إذا في تقاطع تخبروني حتى أخرج وأرجع مرة أخرى. إذا في تقاطع فإذا شفتم تقاطع اكتب لي هكذا حتى أنا أخرج وأرجع مرة أخرى. إذا قلت بير الوالدين هو من أعظم ما يتقرب به لله سبحانه وتعالى. دونك أوبيغا سي بارون سي parmi les choses les plus يعني adorées, les choses يعني كم الله عز وجل يعني les choses les c'est pour ça qu'on dit أولا la salat en son temps et deuxièmement et bir al-walidain. Et il a dit summa pour montrer le classement, premièrement, deuxièmement. Premièrement tu fais la salat en son temps, deuxièmement tu obéis à tes parents en les choses qui ne sont pas yani contre yani la sharia, les choses que Allah Azza wa Jal yani ne sont pas des péchés. Je leur obéis dans des choses qui ne sont pas des péchés. Thalithan thumma al-jihad fi sabilillah, thumma al-jihad fi sabilillah. Troisièmement faire la guerre sainte. والجهاد في سبيل الله كما يخفى عليكم كما يخفى على إخواني له شروط مضبوطة وله قيود, وليس كل أحد يعني يرفع هذه الراية, إنما لابد من إمام, لأن الجهاد نوعان, جهاد طلب وجهاد جهاد طلب وجهاد دفع. ففي جهاد الطلب لابد من ماذا؟ لابد من إمام يعني حاكم جوفرنور, مو أي إنسان يروح يرفع عالم ويقول خلاص أنا إمامكم تعالوا نجاهد. وشروط كثيرة جدا, لابد من ماذا؟ لابد من قدرة قدرة يعني معنوية وقدرة مالية يعني لابد, ما هو مثل يعني الآن يعني أي واحد يقول تعال نذهب نجاهد. أنا عندي سؤال, هل جاهدت نفسك أولا؟ هل كما يقول ابن القيم رحمة الله كيف أنت يتسنى لك, كيف يتسنى لك يعني في معنى كيف يتسنى لك أن تذهب لتجاهد عدوك الخارجي وأنت عدوك هنا معك يعني قاهر لك في جنبك, عدوك يعني نفسك وشيطانك قاهر لك متسلط عليك, أنت نفسك لم تجاهد, ما زلت تشرب السجائر وما زلت تنظر إلى الأفلام المحرمة وتقول أنا أذهب أجاهد, لم تجاهد نفسك, فأنا لك أن تجاهد العدو الخارجي. دونك لو جهاد il a beaucoup de conditions, c'est pas comme de nos jours n'importe qui dit voilà on va faire le jihad. Tu vas faire le jihad quand j'ai peur que quand viendra le vrai jihad, j'ai peur que tu ne vas pas partir, toi qui dis maintenant viens on va aller au jihad, j'ai peur s'il vient le vrai jihad tu ne vas pas y aller. Et c'est Allah qui a dit ça dans le Coran, il y a un verset qui dit que فَلْمَا كُتِبَ عَلِمُ الْقِتَالِ تَوَلَّوْا إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit voilà le moment du jihad, auparavant il disait ya Allah on veut le jihad, Allah Azza wa Jalla a fait descendre un verset, voilà commencez le jihad. Auparavant il a dit non, ne faites pas le jihad, commencez par vous-même, laissez le temps, je sais moi quand est-ce que je vais vous ordonner le jihad. Quand il l'a ordonné ils ont des يا الله لولا أخرتنا إلى جل قريب ويعني ils ont commencé حتى يعني à montrer à Allah qu'il était en faux. Non, c'est pas le moment, laisse-nous encore un peu de temps, on n'est pas prêts, etc. Subhanallah العظيم. Vous qui disiez jihad. Ensuite il y a autre chose, toi tu veux le jihad, tous on veut le jihad, est-ce que tu as fait le jihad en ton âme, tu as fait le jihad à ton diable, tous on a un diable avec nous, tu as fait le jihad à ton diable, ou bien tu passes le temps à voir des films que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'on les voit, tu passes la journée à courir derrière les femmes et à fumer les cigarettes, ensuite tu vas dire on va au jihad. Tu n'as pas fait le jihad de ton âme. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Qayyim alayhi rahmatullah, lui aussi c'est un Cheikh l'Islam, il a dit comment quelqu'un peut faire le jihad, sortir, tuer les gens, etc., les ennemis, alors que son grand ennemi est là avec lui dans son flanc, il est là avec toi, ton âme elle est toujours là avec toi, tu lui as pas fait la guerre sainte à ton âme, comment tu vas faire à l'ennemi qui est dehors? Ensuite est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de toi, va accepter que tu ne fasses pas le djihad à toi et tu fais aux autres? والله عز وجل ألم يقول الله عز وجل في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كيف دير ça الرسول صلى الله عليه وسلم شرح هذه الآية قال في في في الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله أي قال جاهدوا أنفسهم في ذات الله روى أحمد بسند صحيح جاهدوا أنفسهم في ذات الله الله عز وجل quand il a dit dans le Coran والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ceux qui font le jihad en nous on leur ouvrira les portes etc. Le prophète عليه الصلاة والسلام a expliqué ce verset il a dit ce verset veut dire جاهدوا أنفسهم في ذات الله أي ils ont fait le jihad à leur âme pas à leur ennemi non tu fais le jihad à ton âme qui veut les péchés tu lui fais le jihad afin qu'elle ne fasse ne veuille plus les péchés afin qu'elle aime Allah et qu'elle aime les prières et les sunnahs et les nafilas elle n'aime pas les péchés et le Rasoul صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح أيضا في البخاري المجاهد من جهد نفسه والمهاجر من هاجر ما هاجر ما نهى الله عنه هذا أيضا في البخاري المجاهد من جهد نفسه والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه فما زلت تفعل الشيء الذي نهى الله عنه ولم تهجره وتطلب الهجرة الكبيرة هجرت أنت يعني الأشياء المحرمة donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit aussi dans un hadith sahih apporté par al-Bukhari a dit le mujahid le guerrier le mujahid man jahada nafsah celui qui fait la guerre à son âme nafsahu il fait la guerre à son âme d'abord et le muhajir celui qui veut faire la hijra d'abord muhajir man hajara man naha Allah anhu parce que la hijra c'est quoi c'est l'éloignement tu veux t'éloigner du kofr etc le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit muhajir celui qui veut s'éloigner qui s'éloigne d'abord des péchés éloigne-toi d'abord commence par les péchés qui sont devant toi regarde à droite regarde à gauche il y a plein de péchés éloigne-toi comment t'éloigner ça veut dire ne fais pas ces péchés d'abord si tu les fais pas d'abord voilà d'abord une preuve que tu as fait le djihad c'est une preuve que tu as fait le djihad وتلاحظون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه رتب أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله فإذا أنت لم تكن مضبوطا بحيث لم تستطع مثلا أن تصلي الصلاة في وقتها وفوق هذا تعصي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفوق هذا تعصي والديك فأنى لك أن تذهب فتجاهد في سبيل الله فأنى لك لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تصلي في وقتها فلم تجاهد نفسك تصلي خارج الوقت وبينا هذا قبل قليل يعني ما هو مصير من يفعل ذلك وأنت لا تستطيع أن تطيع والديك أقرب الناس إليك لا تستطيع أن تطيعهما فكيف تطيع الإمام الذي يشترط أن يكون في الجهاد لأن الجهاد لابد له من إمام on peut pas faire le jihad jihad الطالب on peut pas faire le jihad s'il n'y a pas un imam c'est pas n'importe qui moi je vais dire demain suivez-moi qui toi c'est qui toi il faut le gouverneur c'est pas toi le gouverneur qui dit demain je sors c'est les ulama qui disent ils disent voilà on va faire cela parce que le gouverneur a laissé les ulama parler à sa place et c'est pas moi ou la X qui n'a rien de dans la tête je vais dire on va faire le jihad Je vous ai dit que le djihad avait besoin de beaucoup, beaucoup de conditions. Donc, celui qui ne peut pas obéir à ses parents, comment moi demain je vais obéir au gouverneur s'il sort avec lui au djihad? Je vais dire, celui-là c'est qui? Moi, mon père, quand il me dit, va me faire ceci et cela, je lui fais pas. Et celui-là, le gouverneur, moi, je vais mourir s'il me dit, va mourir. C'est impossible. Donc, tu vas pas obéir. Demain tu vas au djihad. Pourquoi? Parce que tu n'obéissais pas à tes parents et parce que, comme je dis, tu n'étais pas yani ma coach madbot. Yani tu faisais la prière, tu la faisais pas en son temps. Et c'est pour ça que celui qui ne la fait pas en son temps, comme j'ai dit, doit se repentir au lieu d'aller la faire. Là, je me rappelle quelque chose. ومن هنا من الأصل الأول أن الصلاة تحتاج إلى أمرين أو أن واجب الصلاة واجبان. أن تصلي وأن تصلي في الوقت من هنا قال العلماء وأفتى يعني المحققون أنه يعني من ترك الصلاة أول ولم يصليها كان في كذا وكان الأولى والأفضل أن لا يقضيها بل أن يشرع في النوافل. لماذا؟ دائما اندراجا تحت هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ أنك إذا صليتها الآن ماذا فعلت؟ صليت لكن الله تعالى طلب منك أن تصلي أم أن تصلي وتصلي في الوقت؟ طلب الاثنين. إذا تفرطت في أحد الواجبين واحد الواجبين تريد أن تفعل الثاني، والثاني يشترط ماذا؟ أن يكون في الوقت. أنت طلب منك أن تصلي الظهر قبل 10 سنوات تريد أن تصليه الآن، طلب منك أن تصلي العصر قبل 20 سنة تريد فعله الآن. ولهذا قال هؤلاء المحققون قال الأفضل أن تجبر ذلك بالنوافل، تكثر من النوافل وتصلي الرواتب إلى غير ذلك. ويشهد له الحديث الصحيح أن الله يوم القيامة إذا أتاه الرجل وليس معه يعني ما يكفي من الصلاة أو أن صلاته يعني فيها خدش وفيها يعني نقص، يقول انظروا هل لعبدي من نوافل، يقول انظروا لعبدي هل من نوافل. طيب donc comme je disais que c'est pour ça que les ulama ont dit que si par exemple quelqu'un n'a pas fait la salat autrefois, hein, par exemple il a commencé à pratiquer l'islam à l'âge par exemple de 20 ans ou à l'âge de 40 ans, hein, il n'a pas fait la salat pendant 30 ans, beaucoup de ulama, et je crois que cela c'est le plus fort et c'est le plus juste, ils disent c'est pas la peine d'aller faire la prière, tu vas faire la prière que tu n'as pas faite il y a 30 ans. Mais au lieu de... Pourquoi? Parce que comme on a dit tout à l'heure, tu vas la faire... Allah Azzawajal n'a pas dit fais la prière. Il a dit fais la prière en l'heure, en son temps. Comment Allah Azzawajal a demandé que tu fasses une prière il y a 30 ans, tu vas la faire aujourd'hui. Donc ils ont dit de préférence, tu fais quoi? Tu fais beaucoup de nafila. Tu fais des sunan. Tu fais des surérogatoires. Yani nafila. Pourquoi? Parce que le jour du jugement dernier... La première chose que Allah Azza wa Jalla va nous demander, c'est la salat. Il va voir ce quoi? La salat, yani l'obligatoire. S'il trouve qu'il y a des machèques, des problèmes dans notre salat, on a oublié quelque chose, notre tête n'était pas avec nous, on n'était pas concentré, ce cas, qu'est-ce qu'il va dire Allah Azza wa Jalla aux anges? Ondoro, regardez, est-ce que yani mon serviteur est là, est-ce qu'il a des nawafil? Est-ce qu'il a des nawafil? Donc s'il trouve des nawafil, quoi? Il va يعني les mettre à la place يعني des trous et des vides de l'obligatoire. Donc Allah Azza wa Jalla ne va pas dire regardez s'il a fait des qada, regardez s'il a rattrapé sa salat, mais il va dire regardez s'il a fait des nawafil. Donc c'est pour ça que je conseille يعني les gens de faire les nawafil au lieu de faire la salat qu'il y a ça fait 30 ans. Mais malgré cela je dis si quelqu'un veut la faire qu'il la fasse. Si quelqu'un veut, il dit moi je veux et j'ai du temps là, allez il est libre, je ne vais pas lui dire ne la fais pas. Mais je lui dis voilà, c'est mieux si tu fais la nafila. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith 154, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 154, un hadith vrai et authentique, il a dit à peu près, je vous donne à peu près le sens, il a dit faites yani quelques prières dans vos maisons, qu'est-ce qu'il veut dire le prophète, je vais vous donner le sens, il veut dire faites quelques prières à la maison, yani il parle de l'homme parce que l'homme doit faire l'obligatoire dans la mosquée. Alors le prophète dit fais des nafilas et des sunnas à la maison. Pourquoi? Pour que ta maison ne ressemble pas à une tombe et ne ressemble pas à comment ça s'appelle le maqbara, au cimetière. Donc les ulama ont dit quoi? On dit donc voilà un grand intérêt ici. C'est quoi? C'est que la tattakhidu quburan, donc on ne peut pas faire la prière quand on est au cimetière. Donc si on ne fait pas de prière de nafilas à la maison, donc notre maison est devenue un cimetière. Donc dans un cimetière, il n'y a pas de salat. Ah voilà, ne les rendez pas comme des cimetières. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا. لا تتخذوا قبورا لماذا؟ لأن في المقبرة لا يصلى، لا يصلى في المقبرة. لهذا قال حتى لا نشبه بيوتنا بماذا؟ بالمقابر. ماذا نفعل؟ إذن نصلي في بيوتنا لأنه لا نستطيع أن نصلي في المقابر. ويتكلم طبيعة الحال عن صلاة النافلة. ولهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ماذا؟ أن يصلي الرواتب في البيت وأن لا يفعلها في المسجد. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرواتب في البيت، بل أكثر النوافل كان يصليها في البيت. إذا فعل بعض النوافل في المسجد فهو لبيان الجواز وليعلم الناس فقط، أما الأصل فكان هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي النافلة إلا في بيته. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام، c'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام ne faisait presque jamais, je dis presque jamais, la salat nafila à la mosquée. Il la faisait toujours dans la maison. S'il faisait quelques nafila à la mosquée, c'est pour montrer aux gens, pour qu'ils apprennent qu'il y a par exemple une nafila. Quand ils le voient sallallahu alayhi wa sallam faire la prière, ils apprennent par exemple qu'il y a deux après le dhor, qu'il y a quatre avant le dhor, qu'il y a deux après le maghrib, quand ils le voient faire. Ensuite, dès qu'ils apprennent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait jamais la prière, les nafila hado, il ne le faisait jamais à la mosquée, sauf bien sûr par exemple tahiyat al-masjid, la prière de la mosquée, ça on l'a fait dans la mosquée. Fi shay akhar ma huwa هو أن صلاة النافلة ليست واجبة، أنت فعلتها ابتغاء مرضات الله ومن تلقاء نفسك وتثبيتا من عند الله سبحانه وتعالى وفقك أردت أن تفعلها. الآن النافلة في كل شيء المفروض أن تكون ماذا؟ أن تكون على جهة الاستخفاء، لا تظهرها. لماذا؟ لو كانت فرضا تظهرها أمام الناس ما في مشكل، كل الناس يعلمون أن هذا فرض لابد أن تفعله، لكن هذه نافلة بينك وبين الله، فكان الأولى والأفضل أن تفعلها في مكان لا يراك إلا الله عز وجل، بحيث ماذا؟ بحيث يعني تكون خالصة لوجهه عز وجل. وهذا يكون دليلا على ماذا؟ على أنك فعلتها لله. أما في المسجد قد ترى مثلا بعض الناس يصلون قول أنا أيضا أصلي هكذا يعني للعادة، لكن داخل تركتها للبيت دليل أنك فعلتها لله عز وجل، فهي أبعد عن الرياء. ويا autre chose qui concerne les nafila, les sunnat hado, pourquoi on les fait pas, pourquoi de préférence on les fait à la maison pas à la mosquée? Parce que les sunnat hado elles sont pas obligatoires. Il y a seulement 5 prières obligatoires. Maintenant si je veux faire moi quelques prières en plus, ou bien je veux faire 2 avant ou 4 après, yani en plus, en principe je les fais pour Allah. Et si je les fais pour Allah, je voudrais que personne ne me voie. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas obligatoires. Quand tu fais quelque chose d'obligatoire devant les gens, c'est normal et c'est logique. Parce que tous les gens savent qu'il est obligé que tu fasses par exemple cette chose. Mais ça, ce n'est pas obligé. Je vais le faire parce que yani, j'ai de la sincérité dans mon cœur, parce que j'aime Allah, parce que j'aime m'approcher. Donc quand on fait ces choses, de préférence, on les fait à la maison. C'est comme par exemple Siyam Ramadan. Siyam Ramadan. تصوم وكل الناس تعلم أنك صائم، لكن تصوم يوم الخميس أو الاثنين ليس يعني ليس بالضرورة أن تعلم الآخرين. حتى كان بعض السلف، بل حتى بعض يعني من أجدادنا وأجدادكم، يعني بعضهم والله يصوم مثلا يوم في سبيل الله والله لا تعلم زوجته، لا تعلم، لا يقول لها حتى يعني حضري لي كذا وكذا من أكل، يأتي في المساء فيه أكل ما فيه تحط له ويأكل. والله كان يفعل هكذا بعض الأجداد هذو. دونك لا نافلة on la fait toujours si on peut en cachette. Si on peut, on la fait toujours en cachette. La nafila. Par exemple, je parlais du siyam, par exemple le jeûne. Quand on fait par exemple le carême du Ramadan, ça on le fait devant tout le monde. Tout le monde doit, tous les musulmans doivent faire le Ramadan. Mais est-ce que quand je fais le jeudi, par exemple, je fais le carême, par exemple, je jeûne le jeudi ou le lundi? Un jeudi ou un lundi. Est-ce qu'il va aller dire aux gens que je fais le jeûne aujourd'hui? Non. Plus je cache, plus c'est mieux. Allah Azzawajal va dire, donc tu l'as fait seulement pour moi. Tu n'as dit à personne que tu as fait cela. Donc voilà une preuve que tu l'as fait pour moi. Donc je te donnerai ce que je ne donnerai pas aux autres le jour où tu me rencontreras. C'est pour ça que je viens de dire, il y avait dans les salafs, et même il y avait dans certains nos vieux qui étaient yani, des pieux etc. Là où zaki Allah ahadun, il y avait des vieux et des vieilles wallah, ils faisaient le karam, l'époux fait par exemple le jeudi par exemple, et sa femme la plus proche de lui ne sait pas qu'il est aujourd'hui par exemple qu'il a fait le jeûne, que ce soit un lundi ou un jeudi par exemple. Et il ne dit même pas aujourd'hui j'ai fait le jeûne, alors qu'il peut dire cela, mais il ne dit pas aujourd'hui j'ai fait le jeûne, prépare-moi la shorba pour ce soir, j'ai fait le jeûne, ça il ne le dit pas. Il vient, il mange et elle ne sait pas, il est en train de manger avec eux et elle ne sait pas, sa femme, qu'il a fait aujourd'hui un jeûne. Voilà, yani, la sincérité, quand elle rentre dans le fond du cœur, qu'est-ce qu'elle fait, comment qu'elle rend les gens. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث الذي يأتي قال أحب الناس إلى الله أنفعهم أحب الناس إلى الله أنفعهم. Je donne à peu près le sens parce que c'est un peu difficile à traduire, c'est un peu difficile. Les meilleurs gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, par des musulmans bien sûr, les meilleurs gens qu'Allah Azza wa Jal aime, anfa'uhum, yani ce sont les plus utiles, ceux qui rendent service aux gens, les plus serviables, non pas ceux yani, qui ne pensent qu'à eux. Bon, moi je vais faire ceci, je vais faire le jeûne, je vais faire le hajj, je vais faire la umra, je vais. Non, utile à un autre aussi. Tu dois être utile à un autre aussi. Il va, mazal le hadith est encore long, il va montrer beaucoup de choses. أحب الناس إلى الله أنفعهم يعني الذي ينفع الآخرين أحب الناس إلى الله الذي لا يكون خيره مقصورا على نفسه إنما يتعدى نفسه ليذهب إلى غيره وهنا يعني هذا هو يعني الإسلام الحقيقي يعني أن تجعل الآخرين يستفيدون أيضا ليس أن تفيد نفسك فقط وتفوز أنت وحدك إنما تعمم هذا الخير الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى. Ensuite il a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jall wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jall, et les meilleures actions que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est quoi les meilleures actions que Allah azza wa jall aime, c'est quoi? Il a dit sururun tudkhiluhu ala muslim, sururun tudkhiluhu ala muslim, une joie que tu feras rentrer par exemple yani dans le cœur d'un musulman. Quelqu'un a des problèmes, je ne sais pas ce que tu fais, tu lui donnes un peu d'argent ou bien tu l'invites ou bien, et voilà qu'il est joyeux et il commence à rire, et voilà qu'il sent yani, toute son angoisse qui était dans le cœur qui commence à sortir. Allah Azza wa Jal, si tu fais cela yani, il n'y a pas une action que j'aime comme celle-là. Allah Azza wa Jal dit j'aime pas une action comme celle-là, il n'y a pas plus que celle-là yani, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est chagriné, ensuite tu vas, je ne sais pas ce que tu fais yani, et tu lui enlèves le chagrin qu'il a dans le cœur. قال وسرور تدخله على مسلم. المسلم يكون في مشاكل ويعني يكابد يعني مضايق وأنت تعينه ويعني يجعلك الله عز وجل سببا ويجعلك مفتاحا للخير فيعني تعين هذا حتى يصبح يعني يظهر على وجهه يعني السرور والحبور والفرح هذا كله أنت إن شاء الله تعالى مأجور عليه. قال أو تكشف عنه كربة ou bien tu enlèves ou tu dissipes yani un problème, tu lui enlèves un problème ou tu lui enlèves yani l'angoisse, tu lui enlèves l'anxiété yani, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai dit auparavant yani le muhim كان في حالة يعني سيصير إلى عكسها كان في حالة من غضب ويعني هم وحزن وكذا سيصير إلى حالة من فرح واطمئنان وانشراح صدر. إذن donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit les meilleures actions chez Allah عز وجل, tu fais rentrer une joie dans le cœur dans un musulman ou dans son cœur et tu lui enlèves un problème. وطبعا هذا كل المسلمين إلا ولهم مشاكل لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني يكابد المشاكل حتى يلقاني. ما في إنسان يسلم من هذا. هذا عنده مشاكل في البيت وهذا عنده مشاكل في الأولاد وهذا عنده مشاكل في العمل وهذا عنده مشاكل في الدراسة وهذا عنده مشاكل مع الزوجة وهذا مع المسؤول و فأنت تعينه حتى يعني تدخل عليه سرورا وتكشف عنه كرباتا. Donc, comme j'avais dit, tous les musulmans, tous les croyants ont des problèmes. Tous. Celui qui n'a pas en l'argent, il l'a en sa femme. Celui qui n'a pas en sa femme, il l'a en ses enfants. Celui qui n'a pas en ses enfants, il l'a en sa voiture. Celui qui n'a pas en sa voiture, il l'a avec ses parents. Il n'a pas avec ses parents, il l'a avec des voisins. Et ainsi de suite. Tous les musulmans, tous les croyants ont des problèmes, des tests et des épreuves. Tous. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أبنا وهم لا يفتنون. Les gens croient que l'Azur, je le dis, les gens croient que je les ai créés comme ça sans que je les teste. Il faut que je les teste. Moi, l'Azur, je le dis, moi, je connais la réponse des tests. Je sais comment ils vont faire, mais pour les tester, eux, pour qu'ils sachent s'ils sont des sincères ou des menteurs. Tous maintenant, tous, avant les épreuves, tous ont dit on est sincères. Moi, je suis le plus grand sincère. Moi, j'ai la plus grande foi. Moi, la foi que j'ai dans le cœur, elle est égale à la foi de Abu Bakr Siddiq ou Omar ibn Khattab. Voilà, tout le monde peut dire cela. Et moi, si j'arrive à être un gouverneur, je serai, je ferai, etc., etc. Ensuite, dès que Allah Azzawajal te teste, il te donne un petit peu d'argent, il te donne un petit peu, un petit poste, un directeur, pas force, pas en haut, seulement un directeur. Et voilà que tout a changé. Et voilà que ce n'était pas celui qui disait hier, si Allah me donnait, je ferai ceci, je ferai. Tout a changé, ça devient une autre personne. Donc, il ne faut pas, il faut rien dire avant qu'on soit testé. C'est après les tests qu'on connaît la personne, si elle est sincère ou si elle n'est pas sincère. Est-ce qu'il y a du sang? Fais saut ou la main fait saut? يا دي صون شكرا جزاك الله خيرا قال ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم toujours dans le même hadith, un hadith bien sûr, un hadith qui est حسن, pardon, hadith نعم hadith, قال hadith حسن. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a dit او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا او تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. نعم, عند الله عز وجل حباك وأعطاك من المال ما يكفيك ويكفي أولادك, بل أعطاك من المال حتى ربما حتى عندك من المال ما لا تحتاج إليه, وتعلم أن أخاك هذا أو أن جارك هذا أو أن فلان هذا في ماضيق وفي شدة مالية, فتذهب وتسأل عنه, قال كم مثلا عندك من دين, و تعينه مثلا أو تذهب إلى الدائن صاحب الدين وتقول له خذ هذا مكان فلان وتبرئ ذمته, فمن يستطيع أن يفعل هذا منا؟ هذا كان يفعله السلف رضي الله تعالى عنهم. أما نحن فإن أكثرنا يفكر فقط في نفسه وفي زوجته وفي أولاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يقوي إيماننا. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ou bien tu lui payes des dettes, tu lui payes des dettes, ou tu le trouves par exemple affamé, tu lui donnes à manger. Parlons un peu de tu lui payes des dettes, tu lui payes ses dettes. Il y a certains gens que Allah Azza wa Jal leur a donné beaucoup d'argent, et ces personnes-là croient que si Allah Azza wa Jal te donne beaucoup d'argent, que ça veut dire qu'il t'aime, et il ne sait pas que quand il te donne beaucoup d'argent, ça veut dire que le jour du jugement dernier, ça va être un peu difficile. Parce que chaque franc, tu vas dire d'où tu l'as amené et où tu l'as mis. C'est pour ça que les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Mais, alhamdoulilah, quoi alhamdoulilah, il y a un hadith qui dit, hadith sahih, « Ni'ma al-mal al-salih lil-abd al-salih » Yani, à peu près, hein, vive l'argent. L'argent, yani qui est bien salih, si on le donne à une personne qui est salih, à une personne qui est bonne et qui est juste. Donc si quelqu'un est riche et en même temps il est pratiquant, il est mashallah, on aime que Allah Azza wa Jalla lui donne son argent. Pourquoi? Parce que celui-là, il va faire du bien, il va aider, il va construire une mosquée, il va construire des hôpitaux aux gens, etc. Il va leur il va leur comment on dit, les puits, il va creuser des puits dans les endroits où il n'y a pas de l'eau, etc. Donc vive l'argent si on le donne, vive beaucoup d'argent si on le donne à quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait ce que Allah azza wa jal aime. Mais nous on parle quand Allah azza wa jal donne de l'argent à quelqu'un mais qu'il le disperse à gauche et à droite sans que personne n'en tire profit. Donc j'ai dit, si quelqu'un pouvait payer des dettes de quelqu'un ou bien une partie des dettes, ça veut dire que ce n'est pas une chose facile. C'est que Allah azza wa jal t'a aimé pour que tu aies fait cela afin que tu sois rentré dans ce hadith. Il y a beaucoup de gens maintenant, ils sont avec toi, ils ont beaucoup de dettes, et c'est pas tout le monde qui dit moi j'ai des dettes. Il y a des gens qui ont honte, qui ne demandent jamais, ils ne parlent jamais aux gens, ils ne disent jamais j'ai des dettes ou je ne mange pas à la maison, et peut-être qu'ils ne mangent pas. Il y a des gens qui sont comme ça, et ce sont bien sûr les vrais musulmans. Les autres non, les autres tu le trouves devant la porte du matin au soir, donnez-moi j'ai pas, ça ne suffit pas. Et le vrai musulman, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne demande jamais à quelqu'un quelque chose, jamais, sauf quoi, s'il est dans, vraiment dans le grand besoin. Donc quelqu'un qui a de l'argent, il peut payer à quelqu'un une partie des dettes. Moi personnellement, je demande à Allah azza wa jal qu'il nous aide afin qu'on fasse cela, et afin qu'on fasse au moins une fois dans notre vie une partie des dettes, pas toutes les dettes, une partie des dettes de quelqu'un, et qu'on le voit sourire. Le fait que tu le vois sourire, déjà toi tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que tu sens que Allah Azza wa Jal a fait descendre quelque chose en ton cœur, et que Allah Azza wa Jal en ce moment est réjoui de toi. Tu sens ça, se sent. Il y a un hadith sahih qui dit ça. Il dit le muslimo man sarratuhu hasanatuhu. Le musulman, c'est celui qui, lorsqu'il fait un bienfait, il le sent dans son cœur. Et quand il fait le contraire, un malfait, il a des pincements dans le cœur. Voilà le vrai musulman. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا إن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. الله أكبر الله أكبر. ولا إن أمشي مع أخي المسلم في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. لأني إذا اعتكفت في المسجد شهرا لا أفيد إلا نفسي، أنا المستفيد فقط. لكن إذا مشيت مع أخي المسلم في حاجة حتى أقضيها له، فأكون قد ماذا؟ يكون الخير هذا قد انتقل وتعداني وذهب إلى غيري، وهذا الذي يحبه الله عز وجل. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que je marche avec mon frère le musulman dans في حاجة، il a par exemple un problème. Je marche avec lui, je me mets de son côté. C'est pour moi, Hab Iliya, c'est pour moi mieux que de rester. Mu'taqif, je m'enferme dans la mosquée un mois. S'enfermer dans une mosquée un mois, on a bien sûr de grands, grands bienfaits. Ihtikaf, ça veut dire que tu ne sors pas. Comme dans les dix derniers jours du Ramadan, on ne sort pas. On reste 10 jours à l'intérieur de la mosquée. Le prophète alayhi salam a dit, moi je préfère marcher avec mon frère le musulman qui a un problème jusqu'à ce que je lui enlève son problème, plutôt que je reste un mois enfermé dans la mosquée. Parce qu'un mois enfermé dans la mosquée, bien sûr Allah aime ça et j'aurai des bienfaits, mais qui tire profit? Personne, sauf moi. Mais il y a mon frère qui est dehors, il n'a pas peut-être où dormir, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas pour acheter des vêtements, il veut partir dans son pays, il n'a pas le billet d'avion, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il ne peut pas se marier, il. C'est pas seulement tu rentres à la mosquée, tu fermes la porte. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent. ثم قال ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضي أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de quand on devient en colère. Quand on devient en colère, là aussi c'est un test pour connaître le vrai musulman du faux. Le vrai musulman du faux. Le faux, qu'est-ce qu'il fait? Le faux, dès qu'il se met en colère, il commence à blasphémer. s'ils n'insultent pas, ils commencent pas par Allah, ils disent pas, ils disent pas des kufr, des kufriyat, la an kada ou kada kada, c'est déjà quelque chose. S'il fait pas ça, il dit le kalam al-aib, il dit les mots qu'on n'aime pas entendre. Voilà le faux musulman. Le vrai, quand il se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que toute parole qui va sortir, c'est comme une cartouche qui va sortir du revolver. Elle ne va jamais revenir et elle va être inscrite. Donc quand il se met en colère, la première chose, et il pense que attention, je ne laisse pas le diable, c'est lui qui va me gagner, je vais dire n'importe quoi. Parce que quand on devient en colère, on peut dire n'importe quoi. Mais le vrai musulman, il se retient. Inna alladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min shaytan tadhakkaru ya tadhakkarun fa idahum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayth thumma la yubsirun. Le vrai musulman, il peut être touché par le diable. Oui, le diable peut me toucher, même si je suis un vrai musulman. Inna alladhina ittaqaw, les pieux. Inna alladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min shaytan, s'ils deviennent en colère, tadhakkaru fa idahum mubsirun. Ils se souviennent, ensuite il reste dans le droit chemin. Mais le faux musulman, énerve-le un peu et tu vas voir ce qu'il commence à dire, ce que va sortir de sa bouche et de son ventre. Mais le vrai, jamais, même très énervé, jamais, même s'il dit quelque chose, mais il ne dépasse pas les limites. Pas au point 2, par exemple, au point 2, certains, au point d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. D'insulter Allah Azza wa Jalla, de dire des mots, yani des mots. Je ne sais pas si le kuffar dit ces mots quand il s'énerve. Donc le prophète Ali Sassam a dit ici, وَمِنْ كَذَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَ أَمْضَهُ. Anta, yani fi hala ghadab shadid, wa takdhumu ghayzak, wa kama qala ta'ala wal kadhi min al ghayz, takdhumuhu wa tatrukuhu dakhil qalbik, walaw shi'ta an tumdhiyahu amdhaytahu. ولو شئت الحين أن تضرب هذا الإنسان أو أن تسجنه أو أن تقتله فعل، لكن أنت تركت هذا لله عز وجل، تركت رد الفعل هذا لله عز وجل. ماذا يفعل بك؟ مال الله قلبه رضا يوم القيامة، يوم تسترضى بك كل شيء، يعطيك حتى ترضى من كل شيء. قال يعني من حور العين، إذا كان فيها كوبير أخرج وأرجع. S'il y a des coupures, je sors et je reviens. J'ai pas d'autre solution. فيها الحين فيه كلام، شوف إذا فيه صوت سي بون. قلت يا حديث كي دي دايو جي با تيرميني الحديث. لو بروفيت صلى الله عليه وسلم قال كون كيلكان سميت اون كولار اي كيل سي اي كيل سي كيل بو كيل بو يعني il peut faire ce qu'il veut. Par exemple quelqu'un, je dis un exemple, par exemple quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a pas plu, ou bien il m'a volé quelque chose, ou bien je ne sais pas quoi. Ensuite je peux faire, moi, si je veux, je peux frapper ce bonhomme, je peux le faire entrer en prison, je peux le massacrer, je peux, mais je laisse ça à cause de la cause d'Allah Azza wa Jal. Il y a un hadith qui dit, celui-là, le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal l'appellera devant tout le monde, comme ça, tout le monde qui entend, et lui dit, choisis des femmes qu'il y a ici, les Hulain, choisis celle que tu veux, celle avec pluriel, celle que tu veux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il a contenu sa colère. وقال صلى الله عليه وسلم يعني ختاما للحديث ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام. ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته، بقي معه حتى يثبتها له، حتى يعني يقضيها له، اثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام. يوم القيامة لابد أن تنزل الأقدام، إلا من شاء الله عز وجل هو الذي يثبت. لكن أنت إذا بقيت مع أخيك حتى تقضي له حاجته، فإن الله يثبت أقدامك يوم القيامة، يوم كل الأقدام ترجف وكل قوائم يعني ترتعد، فأنت تبقى قائما ورجلاك يعني مثبتتان من عند الله سبحانه وتعالى. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: celui qui reste avec son frère le musulman ou bien qui marche avec lui jusqu'à ce qu'il lui exauce ce qu'il voulait. Par exemple, il a un problème d'argent, je suis avec lui jusqu'à ce que il n'ait plus ce problème. Il avait un problème d'acheter une chose, je suis avec lui jusqu'à ce qu'il l'achète. Il avait un problème avec je ne sais pas qui, je suis avec lui jusqu'à ce que ce problème se termine. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce jour-là, si tu fais cela, demain lorsque tu rencontreras Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, yani Allah Azza wa Jal, et dans les pieds de ceux qui marchent avec leur frère, leur souhait. Elle fait sauter la mouche qu'il a lui fait sauter. Naam. طيب انا احاول طيب لا لكن ياتي الصوت و نعم فيه ويذهب وياتي الصوت، هذه مشكله لكن اقول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر هذا الحديث قال: وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a terminé son hadith en disant que le mauvais caractère, ceux qui ont un mauvais caractère et ceux qui yani, ne patientent pas, ceux qui se mettent vite en colère, ceux qui ont un mauvais caractère, que fait le mauvais caractère? Il dit il gâche les actions, il gâche ce que tu fais comme bienfait, tout ce que tu fais il te les gâche, le mauvais caractère. Pourquoi? Il dit exactement comme gâche le vinaigre le miel. Si tu as par exemple un bol plein de miel, ensuite tu jettes à l'intérieur une cuillère de vinaigre, ça y est, il vaut mieux que tu ne peux plus manger le miel, parce que quoi, tu l'as mélangé avec le vinaigre. La même chose maintenant, toi tu fais des choses que Allah Azza wa Jalla aime, tu donnes de l'argent, tu fais des prières en plus, tu fais ce que Allah Azza wa Jalla aime, ensuite tu vas gâcher cela avec quoi? Avec le mauvais caractère. C'est-à-dire que tu n'as pas akhlaq hasana, tu n'as pas un bon caractère. Et le musulman doit avoir bien sûr un bon caractère. Parce que le musulman, c'est quoi? C'est être muslim. Yani, aslamtu lillah. C'est quoi musulman? Aslamtu lillah. Aslamtu bimala. Awal aslamtu bi nafsi. Nafsi hadihi. أصبحت لا تتبع الهوى إنما تتبع شرعك وسنة نبيك يا الله سنة نبيك، فكل ما أمر به الله ورسوله أنا أفعله وكل ما نهى عنه أنا أجتنبه، فيصبح ليس لك هامش لهواك ولحظوظك. donc le vrai musulman comme j'ai dit c'est celui que son âme n'est plus son âme, c'est une âme qui ne suit pas les plaisirs et les tentations mais elle suit ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que ça veut dire musulman, muslim. Yani aslamtu, je me suis yani aslama. Bon, il y a un verbe, je le trouve pas, je me suis soumis. Ah, je me suis rappelé, je me suis soumis, la soumission. Ça veut dire maintenant autrefois avant d'être pratiquant, je faisais ce que ma tête me disait. Je me lève le matin, je fais tout ce que ma tête me dit. Il y a pas de haram, il y a pas d'illicite, tout est permis. Maintenant non, je suis pratiquant. Maintenant il y a le verset, il y a le hadith. Il y a plus ce que je fais, ce que je veux, je fais. Non, c'est terminé. Maintenant je ne fais plus que ce que Allah aime et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrefois je faisais ce que je voulais moi, ce que ma tête me disait, ce qui me chantait dans ma tête, je le faisais. Maintenant non, je suis conditionné par le kitab, le livre, le Coran et la sunna. Maintenant je suis conditionné. ومن ظن أنه يريد أن يفر من رق العبودية ليفعل ما يشاء نقول له والله أنت مخطئ، لأنك تفر من رق العبودية، عبودية لله سبحانه وتعالى، لتقع في عبودية نفسك وعبودية الشيطان. لابد للإنسان من عبودية، لابد، اختر تعبد الله أو تعبد الشيطان ونفسك. Et celui qui dit, certains gens disent, Owalen, pardon, je demande est-ce qu'il y a du sang d'abord, je sais pas, peut-être je parle dans le vide. Parce que moi, la souris ici, elle ne marche pas. Je vois la flèche stationnée. Fais saut ou la main fait saut. Je suis en train de parler dans le vide. Fais. طيب جزاك الله خير لانه الفأرة هنا لا ادري واش راهي معطلة نشوف السهم هذا راه موقف. J'avais dit que ceux qui croient qu'ils disent moi je préfère ne pas être pratiquant, même certaines femmes disent cela, je préfère ne pas être pratiquante parce que c'est difficile ensuite, je vais être obligé de faire tout ce que Allah a dit, donc je préfère rester comme ça de loin. Si je deviens pratiquant, c'est difficile. Je vais pas fumer, je vais pas aller où c'est interdit, je vais pas aller danser, je dois faire la femme de dit, je vais couvrir mes cheveux, je dois mettre le jilbab, je dois pas aller à certains endroits. Donc je préfère comme ça, yani de loin, je fais quelques prières et alhamdoulilah, on se rencontre demain au paradis. On lui dit, tu crois ça, toi, tu crois que c'est comme ça facile. Toute personne qui ne veut pas ou qui croit, il dit, je vais pas me soumettre pour rester libre, on va lui dire, tu t'es beaucoup trompé. Parce que la soumission est obligatoire. Ou bien tu te soumets à Allah Azza wa Jal, ou bien tu te soumets au diable et aux tentations, tes tentations et tes plaisirs. Il n'y a pas de milieu. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي الْإِسْتِجَابَ لِلَّهِ وَفِي اتِّبَعَ الْهَوَى مَا فِي وَسَط. Allah Azza wa Jal a dit, ou bien qu'ils te suivent, ô prophète, ou bien que les gens te suivent, les musulmans, ou bien. Ça veut dire qu'ils sont en train de suivre leurs tentations et leurs plaisirs. Il n'y a pas de milieu. Tu n'es pas libre. Tu choisis. Tu n'es pas libre et tu choisis en même temps. Ça veut dire ou bien tu te soumets à Allah Azza wa Jal, à sa religion, et tu seras le plus heureux ici et là-bas. Ou bien tu te soumets à tes tentations et tu fais ce que tu veux. Et tu seras ici très malheureux et là-bas très malheureux. Là-bas pire. Même ici. Ici. Wallah, wallah, wallah. 3 fois, wallah, wallah, wallah, 4 fois, 6 fois, wallah, et personne. Il est impossible que quelqu'un soit heureux loin de l'islam. Impossible. Tous les gens que vous voyez devant vous en train de rire, en train de mashallah, et l'argent et top 5, tout cela, ils sont heureux les minutes où tu les vois. Mais dis-moi quand ils sont seuls, dis-moi quand ils sont malades, dis-moi quand ils pensent qu'ils vont mourir, dis-moi quand ils verront les anges venir pour prendre leur âme. Qu'est-ce qu'ils vont dire en cet instant? Alors que toi, alhamdoulilah, maintenant, toi, si tu veux, tu vas où tu. Qui t'a dit de venir écouter le DAS? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait ramener avec des chaînes dans les mains et les pieds? Personne. Ou bien, qui t'a dit de rentrer dans une salle de din? Il y a des salles de sorcellerie, il y a des salles de péché sexuel, il y a tout. Pourquoi tu rentres ici? Pourquoi tu as choisi cela? Donc, si tu veux, et si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu, yani, tu souhaites, wa tatma, que demain, quand tu rencontres Allah Azza wa Jal, il sera réjoui de toi, il te dira, voilà, n'aie pas peur, ne sois pas chagriné. Tout ce que tu as laissé à cause de moi, aujourd'hui, tu vas le retrouver ici des milliers de fois mieux. Man taraka shay'an lillah, awwadahu khayran minh, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque, le prophète a dit, quiconque lâchera ou ne fera pas une chose à cause d'Allah, Allah Azza wa Jal lui donnera mieux que cette chose. Non seulement demain quand tu rencontreras, mais aujourd'hui il te donnera. Si tu veux faire quelque chose, tu aimes cette chose, ensuite tu dis, mais je ne vais pas la faire parce que Allah ne l'aime pas. Tu la laisses, Allah Azza wa Jal va te donnera mieux que cette chose ici dans cette vie. Avant que tu le rencontres, il te donne le paradis, il te donne quoi? Quelle est la meilleure chose dans le monde? Quelle est la meilleure, dans le monde et dans l'au-delà? Quelle est la meilleure chose? C'est regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Le regarder. Comme ça, Allah Azza wa Jal, le regarder. Nazar il Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que les ulama ont dit, même si Allah Azza wa Jal fera rentrer les kuffars, il les fera rentrer au paradis, chose impossible. Supposons qu'il les fasse rentrer au paradis. Même s'il les fera rentrer au paradis, ils seront toujours chagrinés. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas vu Allah. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. C'est ça le grand supplice. Être au paradis et ne pas voir Allah. À quoi ça sert? Moi, c'est pas surtout le paradis. Allah, je suis celui qui m'a créé. Toute ma vie, j'ai fait des ibadahs, etc. Je suis curieux. Moi, j'aime voir Allah. Donc, c'est ça la meilleure chose. pour laquelle les gens doivent travailler pour qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala demain, réjoui d'eux. وبقي آخر حديث إن شاء الله تعالى أختم به. Ensuite, il y a un hadith avec lequel je vais terminer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour je vous donne يعني pour poser vos questions. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في حديث صحيح لحظة أبحث عن رقمه هنا كان عندي نعم ما هو هذا نعم لحظه pardon je cherche le hadith voilà قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه الله اكبر هذا حديث عظيم والله الذي يفهم هذا حديث عظيم le prophète عليه الصلاه والسلام a dit quiconque Allah Azza wa Jalla lui veut du bien, il va lui donner le châtiment ici dans cette vie, s'il fait des péchés, etc. Et s'il veut Allah Azza wa Jalla du mal de quelqu'un, il va le laisser avec ses péchés jusqu'à ce qu'il rencontre le jour du jugement dernier. Allahu Akbar. Si Allah Azza wa Jalla te veut du bien, il te donne ici le châtiment, il te donne une maladie, il te donne un accident, il te donne quelque chose qui va te faire des chagrins pour enlever le péché que tu as fait. Donc, le contraire. Et le contraire, et si Allah Azza wa Jalla veut d'une personne du mal, il la laisse ici avec plein de péchés. Idan, madan nafham min hadha hadith. Donc de ce hadith, madan nafham. Nafham, en Allah Azza wa Jalla, idha ra'ayna anna ahadan huwa mubtalan, hada lisa dalil, ala anna Allah Azza wa Jalla la yuhibbuhu, kama yifham kathir min nas, wa yadhun kathir min nas. Bel bil'aks, idha arad Allah Azza wa Jalla, kama fi al-Bukhari, illa Allah Azza wa Jalla ahabba qawman ibtalahum. Donc c'est le contraire, parce que beaucoup de gens croient que si on a des problèmes, etc., c'est que Allah Azza wa Jalla ne nous aime pas. Nous en islam, on dit plutôt c'est le contraire. C'est quand on n'a pas de problème, etc., qu'on a peur. On dit comment? On fait des péchés et rien ne nous arrive. C'est comme ça que disent les djuhels. Ils disent, si Allah Azza wa Jalla était en colère de nous, comment ça se fait? Moi, je bois toute la journée de la bière et de la drogue, etc., et jamais il m'arrive quelque chose. Au contraire, je vois celui-là, il passe son temps à la mosquée, il est plein de problèmes. Donc c'est lui qui est en faute, moi je suis en vérité. C'est lui qui a tort. C'est comme ça que pense l'ignorant, le pauvre, le mesquin. Et donc, je dis, l'amrad, l'ibtilaat, tout ça, il y a les dalilans à l'Allah Azza wa Jalla la yuhibbu l'insan. Mais comme je dis, bil'aks, l'Allah Azza wa Jalla la habba nasan ou nasan, ibtalahum. قال في القرآن إذا حضرتني الآية ولا يحسبن الذين نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل في صوت نعم كيف يمكنك أن تفعل هذا Il y a toujours un problème de connexion ? Le son a coupé. Voilà, c'est bon. Ouais, le chef, il a dit quoi qu'il allait revenir ? Vous savez pas ? Au niveau du son. Non. Je vais m'en occuper, Charles. Je vais voir. Non, il est plus là. Ah, marché, Inch'Allah. Non, mais je vais l'appeler pour voir s'il y a un problème de connexion, s'il arrive à se connecter ou pas. Allez, comment on va? Ouais, à quoi n'hésitez pas, je peux finir avant, je suis ici. Taïb, je vais l'appeler, Inch'Allah. Allez, comment on va? Je vais l'appeler, Inch'Allah. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت الشيخ تا هنا تفضل ان شاء الله. حياك الله جزاكم الله خيرا و تفضل اخي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. فيه صوت أبو طالب. فيه صوت. نعم. اشتباك هذا مشكلة والله اليوم ما أدري إيش مشكلة هذا. أنا خرجت من الإنترنت وراجعت مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أختم هذا الحديث قلت الله عز وجل يعني إذا أعطى الخيرات للناس فليس هذا أيضا كما أنه إذا أعطاهم الابتلاءات ليس دليلا على أنه يبغضهم، فكذلك إذا أعطاهم الخيرات فليس هذا دليلا على أنه يحبهم. ولهذا قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. سبحان الله العظيم. دونك جافي تيرميني باغ دير كو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم كونت إلا دي دون حديث يعني أون كومبخون كو lorsque Allah Azza wa Jalla donne par exemple des tests et des épreuves aux gens et des maladies, etc., ça ne veut pas dire qu'il y ait des tests. Et le contraire est vrai quand il leur donne des biens et des khayr. Allahu al-uquba fi dhanbi hatta yuwafiyahu yawm al-qiyamah. نعم والله ما عندي حل في هذا الصوت اليوم راه ينقطع يعني ما عندي حل. pourquoi le prophète عليه الصلاة والسلام a-t-il dit ce hadith, ce hadith que je venais de dire, إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. ما هي قصة الحديث؟ هو أن صحابيا جليلا بينما هو يمشي هكذا إذ التقى بامرأة. Donc la raison de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith sahih, il a dit, il y avait un compagnon qui marchait dans la rue. Un compagnon marchait dans la rue, ensuite il a rencontré une femme, et cette femme, avant de devenir musulmane, avant de devenir pratiquante, elle était une femme, comme on dit maintenant, une femme de joie. C'était une femme de joie, qui faisait ce que vous savez. إذا التقى بامرأة وهذه المرأة قلت قبل أن تتوب وتسلم وكذا كانت بغية فما زال هذا الرجل يكلمها حتى ماذا حتى وضع يده عليها فلما وضع يده عليها قالت مه لقد ذهب الإسلام بها لقد ذهب الشرك وأتى الله بالإسلام مه لقد ذهب الشرك وأتى الله بالإسلام. Ensuite, quand ce compagnon a rencontré sa femme, cette femme, pardon, il a commencé à parler avec elle, ensuite il s'est oublié, il a mis sa main sur elle, par exemple sur sa main ou sur son épaule ou je ne sais pas, sur sa tête, je ne sais pas où exactement. Elle lui a dit main, ça veut dire enlève ta main ou éloigne-toi ou quelque chose dans ce genre. Le shirk est parti et maintenant c'est l'islam qui est venu. Hein? Ça veut dire maintenant je suis une femme pieuse, etc., etc. Ça y est, l'islam a fait partir ce shirk. فلما قالت هذا الكلام تركها وبدا يمشي هكذا وهو ينظر اليها يعني يمشي ويلتفت اليها ينظر اليها ويمشي من شدة يعني الكلام الذي كان له وقع في قلبه يعني مثل الكلام حتى ماذا فعل حتى ضرب برأسه على حائط من غير ان ينتبه. Donc la femme quand lui a dit éloigne-toi, l'islam maintenant est venu, ça y est, il n'y a plus yani, il est parti avec le shirk, le compagnon radiallahu ta'ala a laissé cette femme et a commencé à marcher mais tout en regardant vers elle yani, ça l'a étonné yani, en lui disant ça yani, toi tu es un musulman et maintenant ça y est, le shirk est parti, c'est l'islam maintenant. Elle lui a dit ça, il a commencé à marcher tout en regardant vers elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est frappé la tête contre un mur. Parce qu'il marchait, il voyait de l'autre côté. Alors quand il s'est frappé la tête contre le mur, il est parti au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, voilà ce qui s'est passé, et voilà maintenant j'ai une bosse dans ma tête. Alors le prophète alayhi wa sallam lui a dit ce hadith, lui a dit, lorsque Allah azza wa jalla veut de quelqu'un du bien, il lui donne le châtiment ici. Ça veut dire, toi, Allah azza wa jalla a voulu de toi du bien, il t'a châtié ici, tu as frappé ta tête contre le mur, tu t'es fait mal. Et quand quelqu'un ne veut pas du bien de quelqu'un, lui veut du mal, il le laisse avec son péché jusqu'à ce qu'il rencontre. Donc ce compagnon, quand il a frappé sa tête contre le mur, ça veut dire que Allah Azza wa Jal a voulu de lui du bien et il lui a enlevé son péché. Ibn Had Sahabi, لما ضرب بنفسه على الحائط, يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكى له فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذن أنت عبد أراد الله بك خيرا, لماذا؟ لأنك كفرت ذنبك بكونك يعني ضربت نفسك على الجدار. وإذا أراد الله بعبد شر تركه بالذنب حتى يوافيه به يوم القيامة. أقول ما تسمعون, استغفر الله لي ولكم, فإن أصبت فمن الله عز وجل, وإن أخطأت فمن نفسي, وما أبرئ نفسي, إن النفس لأمارة بالسوء. وأعطيكم إن شاء الله تعالى الفرصة الأسئلة والأجوبة بعد 5 دقائق إن شاء الله تعالى. donc j'ai terminé والحمد لله on se suffit avec ces hadiths et je vous donne يعني l'occasion de poser vos questions. إن شاء الله تعالى après 5 minutes on va répondre aux questions. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت جزاكم الله خيرا. في صوت في صوت طيب أبو طالب, بالأمس كان فيها إحدى الأخوات قد وعدتها أني يعني أجيبها وأن تكون هي الأولى التي أجيبها, صح؟ هل تريد هذه الأخت أن أجيبها يعني على فلاخر فليبي في أفضل أم هكذا يعني في العامة, صح؟ طيب شوف, إذا تريد في آخر شيء نكون أنا وأنت وهي, في آخر شيء نكون أنا وأنت وهي في قاعة خاصة وأجيبها إذا أرادت. تفضل أخي أبو إسحاق. أخي أبو إسحاق تفضل, جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت عنكم يا إخوان؟ صوت الصوت عندكم؟ طيب. السؤال هو أن أحد الإخوة قرأ علي قول للإمام شيخ ابن حزم العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري على أن أنه يجوز يجوز الحلف بغير الله وفي فتح الباري. فنرجو منكم إن شاء الله التوضيح في هذه المسألة لو سمحتم إن أمكن إن شاء الله. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. أخي أبو عبد الرحمن تفضل. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ نعم أخ أبو عبد الرحمن يا شيخ هو اللي أثار السؤال البارح، يعني اللي عنده سؤالين لا تشفع اليوم، وأنا قلت له ما سبب يعود يكتبهم لي إن شاء الله وأنا اللي يقول لي إن شاء الله غنبو لي موا بإذن الله أخي وإيش اللي إن شاء الله. عندي سؤال إن شاء الله. ألو أنت فيما يخص الرشوة ألو si l'on part faire le tijara et que l'on connaît un ami douanier qui nous laisse passer sans payer la TVA, yani la douane, cela est-il permis? Cela est-il permis de passer par un ami douanier qui nous fait pas payer? Il y en a qui nous fait pas payer. Lienhol, yani l'impôt, à savoir la TVA, qui est applicable, n'est pas autorisé en islam. Et si cela est permis, pour remercier le frère, peut-on lui donner de l'argent? Et ça? Alhamdulillah. Et si cela est permis, peut-on donner au frère de l'argent? Si cela est permis, peut-on donner au frère de l'argent pour le remercier? Et peut-on le faire tout le temps? Tous les adar, tous les tijara, tout le temps, yani. وعندي سؤال آخر إن شاء الله. نعم. Je voudrais savoir ce que disent les savants sur la durée du jour du jugement dernier, car un hadith que cela dit que cela va durer 50 000 ans pour Allah. Le frère voudrait avoir un peu plus de précision pour la durée, sur la durée. Yani voudrait avoir plus de précision sur la durée. Jugement en Yom Kippour. Quel est le hukm de celui qui fait la salat al-witr comme sunnah rawatib et puis un jour il arrête de la faire complètement? Voilà, les deux questions. Alors, un frère a été adopté quand il était petit et ses parents adoptifs sont décédés. Il était musulman, est-ce qu'il peut prendre l'argent de la mort de ces gens et de ses parents? Et est-ce que la hijra passe avant le mariage ou après le mariage, chacun sachant que les deux sont des obligations? Et je voudrais demander si pendant les ablutions, nous pouvons passer les mains sur les chaussettes, petites chaussettes qui arrivent en bas des chevilles. Non, c'est des petites chaussettes qui dépassent pas les chevilles. Voilà. Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, pas de divorce lorsque l'on ne sait pas ce que l'on dit. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, pas de divorce lorsqu'on ne sait pas ce que l'on dit. De même pour celui qui est ensorcelé, son divorce n'est pas valide car il ne sait pas ce qu'il dit. De même pour celui qui est très en colère, qui ne sait pas ce qu'il dit et ne se contrôle plus, son divorce n'est pas valide. Je voulais savoir. Yani, est-ce que je voudrais savoir si ce hadith est sahih? Hayatum Allah. نعم والأخت طلبت منك ما حسب تجيب السؤال وتفضل أخي بلال سلفي حياك الله. نعم c'est mes choses R. Donc je suis en France et dans mon travail il y a de la mixité. Ici du travail sans mixité c'est très difficile, mais pas impossible. Je compte donc démissionner, Inch'Allah. Que me conseillez-vous? Je me suis marié il y a 2 ans et Allah Azzawajal m'a donné un enfant il y a 1 an. Le mariage que j'ai fait religieux uniquement. Walhamdulillah, il s'est passé de façon verbale. Cela me pose un problème pour faire ma hijra et je me demande comment prouver mon mariage au pays qui m'accueillera. Mon enfant sera-t-il considéré comme illégitime? Puis-je demander aux témoins de mon mariage de me faire une attestation? Donne un ça pour ça, pourrais-tu te renseigner dans au pays où tu vas, dans lequel tu vas aller, Akhi? Wallah alam. Je crois que نعم عندي سؤال إن شاء الله فيما يخص pour apprendre le Coran est-ce qu'il est préférable peut-on apprendre le Coran sans tajwid peut-on apprendre le Coran sans tajwid يعني qu'est-ce qui est préférable c'est de l'apprendre sans tajwid d'abord ou avec le tajwid sachant que avec le tajwid ça met beaucoup plus de temps et que c'est très difficile parce qu'il faut trouver un frère qui puisse nous aider pour la prononciation voilà عندي سؤال آخر فيما يخص هذا. Est-il préférable de se concentrer dans un premier temps sur la langue arabe avant de commencer le hifz du Coran, dans la mesure où on comprend plus ou moins le Coran, ou d'apprendre en parallèle langue arabe et Coran? Voilà. Fadal Yachir. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abu Talib, fihi sawt. أبو طالب فيه صوت ولا ما فيه صوت؟ أقول لك أولا لقد فاتني كثير من أسئلتك لم أسمعها فأجيبك على الأسئلة التي يعني سمعتها فاتني كثير من أسئلة لم أسمعها وأنا يعني ترى لا يصلني الصوت ترى أنت تسرع في الكلام وترى الأسئلة تتشابه وأنا ما أستطيع أن أكتب كل هذه الأسئلة في يعني في الوقت هذا القصير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يخص فتح الباري وأنه يجوز أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى والله هذا أنا أستبعده وأقول لك شيئا إن لم يكن هذا يعني من الأسرار. هذا فتح الباري كتاب عبد الحجر أنا قرأته من أول صفحة إلى آخر شيء ولخصته عندي تلخيصه ولم أعثر على هذا القول أبدا لا أتذكر أبدا أنه قال مثل هذا الكلام ابن حجر عليه رحمة الله ولا أظن أن مثله يقول مثل هذا الكلام. أظن أن صاحبنا لم يفهم ماذا قال أو ربما عزاه إلى أناس قال مثلا بعضهم يقول كذا أو استنبط من حديث أنه أن بعضهم يقول كذا لكن أن يقول هو يعني يجوز الحلف بغير الله فهذا كما قلت استبعده. فليأتينا إذن بالصفحة الصفحة والجزء أين أقر ابن حجر الحلف بغير الله سبحانه وتعالى بعد العلم أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. دونك en ce qui concerne que فتح الباري que ابن حجر a dit on peut jurer si on jure pas par Allah, j'ai dit moi je crois pas que ابن حجر dise cela. Je ne crois pas que Ibn Hajj dit cela. D'ailleurs, j'ai lu son livre et je n'ai pas trouvé cela. Maintenant, s'il a dit, qu'il nous donne le tome et la page. Le tome, numéro du tome et de la page où Ibn Hajj a dit qu'on peut jurer par... Non, pas par Allah. Ensuite, même s'il a dit, bien sûr, ce qu'il a dit, bien sûr, n'est pas une hajja et ce n'est pas un argument. Ce n'est pas que le fait qu'un savant dise une chose qu'elle doit être acceptée. ولو يعني على التنزل لو يعني افترضنا وسلمنا انه قاله فإن قوله يكون يعني من الأقوال التي ترد وتطوى ولا تروى. لماذا؟ لأنه يكون قال شيئا يعني لما يقول شيء خالف فيه أحاديث صحيحة إن شاء الله تعالى. فيما يخص الدواني صنفي ستغى ستغى. فيما يخص الدواني أنت تعلم أن الرشوة هو المال الذي يعطى لماذا؟ لتحقيق باطل أو إبطال حق، هذه الرشوة. فأنت الدواني هذا لا يجوز لك أن تعطيه من أي باب، من باب الهدايا للعمال وأنها غلول وأن هذا حرام. والعامل لا تعطى له لا مال ولا هدية، لا مرة ولا دائما. لماذا؟ لأن هذا فيه إثم كبيرا، لأن هذا يعني إثم كبير عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نعطي للذين يعني يشتغلون في الوظائف أن نعطي لهم شيئا ولو يعني لتطيب خاطرهم، لا نعطيهم. لماذا؟ لأنه يكون هذا في مقابل، مقابل ماذا؟ في مقابل المعاملة، وهو يتقاضى راتبا من أجل أن يتعامل معك، وتشجعه بهذه الأموال على أن يخالف، يخالف يعني القوانين، وعلى أن يتعدى على ماذا؟ وأن يعني على أن يفعل يعني الأشياء المنهية عنها. دونك on doit pas lui donner de l'argent ni une fois ni beaucoup ni beaucoup de fois. Parce que c'est interdit en islam de donner à quelqu'un qui est employé, employé dans une chose, on lui donne de l'argent, on lui donne des cadeaux. Si je vais à quelqu'un qui travaille à la banque, il me fait quelque chose, il me fait sortir, il me fait passer mon chèque avant les autres, ou bien il fait quoi que ce soit, et je lui donne quelque chose, ça, ça devient ouloul, c'est haram. Et c'est interdit de le faire. Pourquoi? Parce que ça va l'encourager de façon à ce qu'il ne travaille plus avec les autres. Il travaille seulement avec ceux qui lui donnent de l'argent. On ne doit jamais donner à un employé de l'argent. S'il nous laisse passer gratuitement, c'est autorisé. ممكن أخي أبو طالب، ممكن ممكن، لكن لابد أن أتحقق لك من ذلك، لابد أن أتحقق لك في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، أن أتحقق لك في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. Laisse-moi être sûr en ce qui concerne lorsqu'il passe gratuitement. Laisse-moi être sûr avant de parler إن شاء الله تعالى. ثم عندي هنا سؤال يقول في 50,000 سنة، 50,000 سنة يقول يعني أعطينا تفاصيل أكثر ولا لا أدري ماذا قال بالضبط. Je n'ai pas bien compris ce qu'a demandé le frère lorsqu'il a parlé 50,000 ans. Est-ce qu'il veut dire, est-ce que ce jour c'est 50,000 ans ou pas? ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في سنن أبي داود وفي غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل الله له، أو جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، قال فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما الجنة وإما النار. إذن 50,000 سنة، وأن ذلك اليوم 50,000 سنة معروف، وهذا هو الذي عليه السنة والجماعة، وهذا هو الصحيح والمعدد كما قلت بأحاديث صحيحة. Je voudrais savoir ce que disent les gens. J'ai rien dit que ça va durer 50,000 ans. Pour Allah, le frère voudrait avoir plus de précision sur la durée. Naam, vous êtes 50,000 ans. Oui, c'est vrai, 50,000 ans. Je viens de dire maintenant le hadith sahih. Il y a un hadith sahih qui dit que ce jour-là, il durera 50,000 ans. Il durera 50,000 ans. 50,000 ans. Et bien sûr, ce jour-là sera par rapport aux musulmans. Et au pieux, et quelqu'un qui adore Allah Azza wa Jalla avec sincérité, il sera, inshallah ta'ala, un jour facile. Il sera, inshallah ta'ala, un jour facile. Fima yخص al-mas'h. S'il veut, je lui donne le hadith que je viens de dire. C'est en arabe. C'est un hadith qui parle de la zakat. Et que celui qui ne faisait pas ici la zakat ici, etc., que Allah Azza wa Jalla le fera venir. Ensuite, il fera rentrer de l'argent qu'il n'a pas dans l'argent avec lequel il n'a pas fait par exemple la zakat. Il va le faire rentrer en enfer dans un jour qui durera 50,000 ans, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est un hadith sahih, bien sûr. أما فيما يخص لحظة إن شاء الله. وين أبو طالب؟ لحظة لحظة نكتب حاجة. لحظة هنا لحظة إن شاء الله نكتب في حاجة هنا. Voir qu'est-ce qu'il y a ici dans le la salle. Il y a des questions. Le frère dit les 50 millions pour Allah au niveau du temps, mais pour nous, à quoi ça correspond? Abu Talib, ma fille saute. Ah. نعم السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ الحمد لله. نعم جاد في الشيخ اللي عنده مشكلة ولأن هذه فرصة مش بغلق القاعة ولهذا أنا أحب نخذ الوقت هذا اللي إن شاء الله هو يرجع وأرجع بإذن الله ومن فضلكم حياكم الله لا تكلموا لأن كي الشيخ قلت له الشيخ يبون كي تشعر بيبا حيكم الله سلدي كونسانتر شو فيما يخص صالح لما يخاف أنني هذه هذا إن شاء الله أنا بوجه كموس من غير سنة ريسبك شفاوة إن شاء الله حيكم الله و لهذا إن شاء الله ما بار ريسبك. Et parce que aussi ça n'a rien à voir avec ce qui a été mis dans la room. Yani huwa ndour Ahmed ma hada li ta'lim inchallah. Khod laqid akhi Farid fahem à ceux qui sont ce que je viens de dire en arabe inchallah répète-le bidinlah pour ceux qui n'ont pas compris. Moi je répète inchallah c'est pour pas les concentrer sur le moins il a eu un problème donc il ça a tout fermé. Il a dû partir. Wa bin il va revenir. Si peu. Bon, là, j'en profite pour dire à tout le monde que pour éviter d'écrire quand n'écrivez pas quand il l'aime ou surtout écrivez quand c'est mort dans le car. Là, il s'appelle Aïchi. Quel aime, Charles? الصوت مسموع الآن واضح؟ هل الصوت مسموع؟ الحمد لله الحمد لله. أخونا المكي أو أخانا المكي وأخانا جنرار وجميع إخواننا أترجم كلام أخينا أبو طالب أو أخينا أبي طالب. أبو طالب يقول إذا كان الشيخ أبو عبد الله ابن تيمية حفظه الله وسدد خطاه يتكلم في مواضع درسه والإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه فعلينا ألا نكتب كلاما خارج الموضوع لأنه يحرجه ولعله يزعجه عن الإجابة. فجزى الله خير أبا طالب وأحسن الله إليه. ولكن أبو طالب أستأذنك ما دام شيخ ابن تيمية لم يأتي بعد حتى نتكلم في موضوع بسيط قليل إن شاء الله وليس بالكثير. تعرف يا أخانا أبا طالب أن الدعوة السلفية قامت على الصدق. Vous savez tous mes frères et sœurs que la دعوة السلفية elle a été montée fondée dans la véracité وليس على الكذب والبهتان والتلبيس. دعوة السلفية كلها صدق كلها صدق لأن دعوة السلف الأمة دعوة سلف الأمة وليس على التلبيس ليس على التلبيس non pas par des tromperies et des ruses graves. فهنا يا le frère المكي كي أنسيان في مكة قديم في مكة من طلاب الشيخ ربيع وأخونا جنرار أيضا كي يكون في المغرب ومن طلاب الشيخ ربيع أيضا ومغربي وكثير من إخوة في مكة يعرفونني معرفة جيدة ويعرفون شيخنا ربيع ابن هادي المدخلي عفاه الله وشفاه ورد عليه كل سوء ووجع حفظه الله يعرفون شيخ ربيع يدرسون عليه ويزورونه ويعرفون حال السلفيين في هذه المنطقة مكة المكرمة يكونش très bien شيخ ربيع يكونش le frère salafiyin, ils connaissent bien la da'wa salafiyya fi Mecca, ils connaissent. Walakin, l'asaf al-shadid, le malheur, madame Akhuna Ibn Timia n'est pas venue, je vais expliquer, le malheur, c'est que certains frères, misakin, ils sont très pauvres dans le ilm et dans la véracité et dans la fiqa, ils essayent de faire tomber leurs frères par des ruses qui ne tiendraient même pas si tu la poses sur une étoile d'araignée. C'est quoi? Ils vont dans un salon de l'Maghrawiyin, Salon Islam Futur. Qui sait ici, qui ne sait pas que ce salon, innahu ghurfat al-maghrawiyin. Alladhina yadubbuna 'an al-maghrawi wa yat'anuna fi Sheikh Rabi' wa fi 'adalati Sheikh Rabi' wa fi 'ilm Sheikh Rabi' wa fi da'wat Sheikh Rabi'. Ils cassent Sheikh Rabi', ils insultent Sheikh Rabi', ils attaquent Sheikh Rabi' et ils propagent yanshuruna rabitan un lien fi madhi wa dabbi 'an al-maghrawi. Là, moi je parle, Barakallahu fi Abu Talab, de la Ghurfa del Maghrawiyin, le salon de Maghrawiyin, Jazakallahu khairan, ça ils ne le savent pas, même s'ils le savent, il faut qu'ils le sachent. Et qu'ils sachent qu'un salafi, celui qui se dit salafi, il n'attaque pas ses frères salafi, indi hijbiyin, et en plus avec des mensonges. Là, il faut savoir ça, ya Abu Talab. Là, Inch'Allah, madame Ibn Taymiyyah n'est pas venue, on va demander aussi à Ibn Taymiyyah, Inch'Allah, quand il va venir. Comment ça tu vas عند المغراويين hein و تسال سليم هلالي عني انا وهو يقول ان الشيخ ربيعة الطاده هذا le premier qui démentit ça c'est الشيخ ربيعة اول من يكذب هذا هو الشيخ ربيعة ثم كل طلاب ومشايخ في مكة يقولون هذا كذب يقولون هذا كذب tous sans exception et المغراويين Dans le salon, il fallait les écouter, Abu Talib. Je suis rentré, j'ai levé la main, ils ont fermé le salon. Al-Maghrawiyin, lorsqu'il y a des questions, certaines, ils disent, non, on ne les pose pas, ils ne sont pas dans le sujet. Laysa hadhihi al-as'ala, as'ila, laysat fil al-mawdu' alladhi natakallam fihi ma'a Sheikh Salim al-Hilali. Walakin, lamma ja'a su'al 'anni min taraf rajul makir, de la part d'un frère rusé qui veut faire les fitna, pourquoi ils l'ont fait passer? Est-ce que moi j'étais le sujet? Le sujet il était Sharh al-Aqid al-Wasitiyya. Pourquoi il a fait passer la question? Pourquoi? Parce que le Maghrawiyin, ils me connaissent bien. Là, ils sont ici à Mecca. Celui qui a ouvert le salon, c'est un Maghrawi à Mecca qui est le premier grand ennemi de Sheikh Rabi'a. Le premier grand ennemi de Sheikh Rabi'a. Min akbar adou Sheikh Rabi'a. Moujoud huna fi Mecca. Fatah al-Ghurfa. Lamma ja'a su'al Farid. Il l'a permis, pourtant ce n'est pas le sujet. Pourquoi? Bachid Rab Da'wa Salafiyya ou les Khouan Salafiyyin. Ou pour qu'ils tapent les Salafiyyin entre eux. Comment tu vas dans une Ghurfa? Une Ghurfa? Non, vous m'entendez? تقول انا سلفي ثم tu vas dans une غرفه de bid'i c'est Abu Talib si moi je vais dans une غرفه تاع صالح اويت ou la تاع تكفيرين et je vais demander à un cheikh que eux ils invitent qu'est-ce que tu penses de Talib 2 Abu Talib 2 autre chose qu'est-ce qu'il va dire billah je voudrais que tu me réponds en écrivant qu'est-ce qu'il va dire il va dire qu'il est bien ou là il va le critiquer ou va ça va كيف هؤلاء Ils vont dans un salon min ahl al-bid'a. Ils yadhhabuna ila ghurfa ghurfat ahl al-bid'a. Je disais, mon frère Adibni, toi, si maintenant on te connaît salafi, on va dans une ghurfa, un salon de ahl al-bid'a comme le salon de Salah invite et d'autres. On va demander sur toi, ils invitent un shirk chez eux, et s'ils invitent quelqu'un, c'est que quelqu'un qui est comme eux. Un shirk de chez eux, hein, et ils vont demander sur Abu Talib. Ça va être quoi la réponse? Ça va être la critique. Et ils vont faire passer la question et se faire. C'est vrai ce que je dis là ou pas? C'est vrai ce que je dis ou là là? Ce que je dis là maintenant. Abu Talib. Hein, je voudrais que tu écris Abu Talib et. Naam. Ya Akhana Abu Talib. Ya Akhana Abu Talib. Madame le Fra'ad Nesmiya n'est pas venue. Naam. Comment vous vous dites ces gens qui m'étonnent, Anna? Ils se disent Salafi. Ils vont chez les Marawiyins, ils demandent la question sur moi. Les Marawiyins, ils disent que poser des questions que sur le sujet. Il y a eu deux questions qui n'ont pas été posées à cause du pas du sujet. Et quand c'était sur moi, ils la font poser. Ou Haoula, ils se disent Salafiyin. Ils posent Al Al-Bida, Al-Labina Yat'anouna Fishikh Rabia, Masa'an, Leylan, Wa Naharan, Wa Masa'an, Wa Sabaha. ويجي سليم هلالي أصلحه الله لا يا أخي بارك الله فيك بون مو جو دوموند اون شوز أبو طالب مدام لو فراغ إلي با فوني ابن تيمية جو تو دوموند اون شوز اون شوز اسكو تو بيرمي المكي دو بارلي اون كلمة اون عرب سور نعم تفضل أخونا المكي جنرال بارك الله فيك يا عبد العزيز لو سمحت قل كلمة لأن واحد منهم لسال موجود هنا والمكي تفضل الله يبارك فيك تفضل المكي مدام مجاش ابن تيمية تفضل بسم الله يا المكي المكي نعم تفضل بسم الله السلام عليكم ورحمة الله الصوت مسموع يا أخوان جميعا الصوت مسموع يا إخوة جميعا حياكم الله يا أخوان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية موصولا وفي البخاري معلقا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وخرج البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا ثم بايعه جرير رضي الله تعالى عنه وفي الحديث قال وعلى النصح بكل مسلم وتعلمون أيها الإخوة أن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له وهذه النصيحة التي أريد أن أوجهها لإخواني جميعا ولنفسي قبل ذلك بموجب هذين الحديثين الشريفين وتعلمون أيها الإخوة ما جرى ولا يزال يجري من الفتن والعياذ بالله التي فرقت الأمة وشتتت الشمل وصدعت الصف حتى بين أهل السنة البين والعياذ بالله وهذه الفتن التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كقطع الليل المظلم فيما خرج البخاري ومسلم من حديث حذيفة حين أن قال كنت أسأل كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وفي رواية خرجها الإمام أحمد في مسنده صححها الألباني الصحيحة كان حذيفة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر فيقول له عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي تعلم كتاب الله واعمل بما فيه يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه تعلم كتاب الله واعمل بما فيه ثلاثا حتى قال عليه الصلاة والسلام فتن تأتي كقطع الليل مشتبهة كوجوه البقر حتى لا تعلم أيا من أي حتى لا تعلم أيا من أي. فالمقصود أيها الإخوة تكالبت الفتن على الدعوة السلفية كما تتكالب الأكل على قصعتها والعياذ بالله. وتعلمون أيها الأحبة أنا يا إخوة لا أفهم اللغة اللاتينية لكن إن كان جاء الأخ الذي له الدرس فيكتب لي واحد بالعربية إن شاء الله. بارك الله فيكم يا إخوان. المقصود أيها الإخوة ما ذاك إلا بسبب الذنوب والآثام والمعاصي ومخالفة أوامر الله جل وعلا ومخالفة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وكما لا يخفاكم أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله جل وعلا تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى بصيرة بأحوال المدعوين وأوضاعهم ومدى قبول الحق وأن الناس ايه نعم لحظة تريد تغلق الغرفة خذ الله المايك تحت اخوان كتب لي على الخاص قال اريد ان اغلق الغرفة. الله المستعان يا اخي تفضل يا اخي انا ما احسن قراءة اللاتينية لا تمايك يا اخي قدر الله ما شاء خذ المايك تفضل يا اخي Abu Talib. Ya Abu Talib, tu m'entends? Écris. Un. Allah ybarak fi. Est-ce que tu es obligé de fermer tout de suite? Tu ne peux pas laisser finir? C'est impossible de laisser finir et passer la parole à général? Ou là tu es obligé de fermer tout de suite? Barakallahu fik. طيب طيب ok inshallah pour moi c'était pareil mais c'est pas grave ok inshallah il n'y a pas de problème donc c'est quoi ton d'accord c'est quoi ton le ton salon al-Makki يريد إغلاق الغرفة inshallah سيدعونا إلى أو يستضيفنا إلى غرفة أخرى وهو سيفتحها ان شاء الله المكي وجنرار والاخوه والاخوات il va fermer ce salon parce qu'il est pas à lui c'est normal et il va ouvrir un salon un autre salon inchallah on va donner toujours la parole à المكي après à général on va montrer les mensonges des menteurs inchallah hein كان الدعاوى الا تبني عليه الدعاوى الا تبني عليها بينات أو تقوم ولم تقم على بينات فأبناؤها أدعياء فنزلون voir إن شاء الله. c'est quoi la طيب invite moi après j'invite et tu essaies d'inviter إن شاء الله. المهم يا المكي سيغلق يغلق الغرفة هذه ثم يفتح غرفة أخرى وكتب عنوان الغرفة فسيدعوني أنا ويستضيفني أنا ثم استضيفك أنت وغيرك من إخواننا السلفيين الطيبين وحي الله الجميع. فإن شاء الله لا نترك المغراوية ولا أحدا من أهل البدع يتلاعب بعقولنا ولا أحدا من المتلبسين يتلبس بالسلفية سواء كان في فرنسا ولا غير فرنسا يستعين بأهل البدع على إخوانه السلفي على الإخوان السلفيين أبدا والله لن نتركهم هكذا. بسم الله تفضل يا أخي أبو طالب وإليك تفضل أبو طالب إن شاء الله بسم الله جنرار والمكي كل شيء سيدعونا إلى غرفة إن شاء الله وتواصل كلامك المكي ثم جنرال إن شاء الله بسم الله بسم الله أبو طالب فاجي بسم الله tu nous sors et tu m'invites après on invite un peu tout le monde إن شاء الله بسم الله نعم حياكم الله جزاكم الله خير أنا أغلق القاعة بإذن الله لأن القاعة ليس متاعي وللشيخ جزاكم الله خير نقول هذا سبحانك الله وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته